lancer des œufs à l'humeur au fond de peu. D'abord, tapant sur nos dirigeants, abusant d'économie. Ces louches qui se poussent avec notre argent, ces voleurs, nos volants. Du pied dans la boue, à du London, moi, c'est bougalou. Ça évitera des gaz, de l'effet de serre. Gagne ou t'en perds, des veines de femmes dans la France. Qu'est-ce qu'on se pour les désennuis sous les destards d'académie? Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans mes chanchoux? Les chanchoux. Un bon tout te donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent. Tellement fait fort du bon bon bon fort. Chaton, tweetons, mais doutons encore. Plus le Jésus est douteux, doute à nu, doit nu. Ta question de réponse, bidon, pas de nous, rien de méchant. Quand la cloche sonne, un bon doute donne, donne, donne. Ah, ça, Christine. Ça, c'est comme le bridge de la chanson que notre bon chum Edgar Bory a écrit pour Douteux. Lui, il a beaucoup aimé ça, le mouvement Douteux. Quand on s'est rencontrés, on était très contents parce qu'on l'aime aussi beaucoup. Edgar Bory, un gars qui était professionnel de golf et qui a décidé à la place de devenir un artiste qui fait du bien à Montréal. On va souhaiter un maximum de plaisir dans la vie aux productions de Londres. Sinon, ben mon nom, c'est Tommy Godette. Je suis l'animateur de 70%. 70%, le show de ceux qui donnent leur strict minimum. Ça veut dire qu'on est ici, on est relax. Mais il y en a deux qui ont fait quand même un sacré voyage. On va commencer par eux autres. Marianne et René, du duo Deux Folles et un Banjo. Très content de vous avoir avec nous. Ça va, mesdames? Salut, Tommy. Bonjour, Rouen. Narala. Et voilà, c'est dit. Salut, bro. Ben oui, hey, le voyage depuis Montréal, eux autres sont un petit peu jet lag. Sinon, ben nous, on s'en est remis totalement. On va avoir quand même une chanson ou deux dans l'émission, hein, mesdames? On fait signe de oui, encouragez-nous, là. On fait signe que oui. C'est ça, ouais, voilà. Sinon, ben je continue. Il y a Jean-Patrick qui est totalement reposé aujourd'hui. Bien entendu. Maestro du Parti Rhinocéros. Tu vas être content, Jean-Patrick, parce que pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai découpé l'audio de la publicité qui va passer bientôt à ben oui. TVA et c'est Radio-Canada. C'est moi qui te le transférerai en P3. Oui, oui, oui, c'est ça. Ben, en tout cas, tu vois, t'es pas mal au courant. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, on est rejoint par une petite nouvelle. C'est quelqu'un qui a fait le voyage avec nous et une ancienne chroniquatrice de 70%, Sarah Junick. Ça va bien, Sarah? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que tu nous as amené un petit sujet? T'es ici, oui, juste je vais pour... faire... En fait, je vais attendre un peu. Je vais plutôt lancer un appel. Un appel? Oui. Ah voilà. Bon, ben ça va arriver dans l'émission. Élise qui est de retour également, reposée de l'aventure. On est allé manger au Shell au 30, pris de la pizza, de la poutine. Ouais. Et voilà, c'est fait. Puis sinon, on parle de quoi aujourd'hui? C'est le party encore, c'est le FME, est-ce-t-il? ça me va. Ça résume. Non, ouais, ça résume assez bien. Et puis, ben, Bruno, fidèle acolyte. Demande-moi donc si je suis reposé, moi. Est-ce que t'es reposé? Non, monsieur. Ben non. Parce qu'il y a des hosties d'enfants puis un crisse de chien, où c'est qu'on reste? Puis le bruit que ça fait, ces deux affaires-là mélangent ensemble, pour vrai. Pour vrai, y a-tu quelqu'un qui est avec moi ici? Ouf! Bon, ben, c'est ça. C'est difficile de suivre toutes tes conversations sur Tinder dans ce temps-là. Exactement. Et d'ailleurs, on remercie beaucoup le chien et les enfants d'accepter Ouf. Qu'on aille dormir chez oui. eux. Ah, c'est vraiment très gentil, merci. Oui. Ah, ben l'émission commence assez bien. Sinon, ben moi aujourd'hui, on va surtout parler de politique et je vais laisser un maximum d'espace à nos invités qui sont en studio. Il y a même Gluin, l'ami Glande, qui est avec nous. On le salue. Et voilà. Et si vous avez rien à faire et que vous êtes au centre-ville, ben c'est weird là, parce que premièrement, il y a comme le FME, là, on est dans le vieux Noranda. Donc si vous avez rien à faire, c'est. Ben c'est ça. Ben venez nous parler. Il y a des amis ici, disons. Mais pas pendant le show. Que, après. Mais bon, viens voir. Nous. C'est ça. Il y a plein de chicks. Gars. Ouais. Si vous nous écoutez déjà, écoutez-nous. C'est ça. Exactement. On vous encourage à écouter ces FME 91.9 tout le long du festival. Sinon, ben je vais commencer tout de suite. On va s'en débarrasser. Je vais mettre ma publicité du Rhino. C'est quelque chose de fabuleux. Puis on vous revient en studio. Salut, c'est moi, Tommy. Tom Godette, content de vous parler à la télévision nationale pour une deuxième fois. Lors de mon premier message, j'ai insisté sur l'importance de la transparence pour un gouvernement démocratique, efficace et juste. Malheureusement, depuis les dernières élections, le Canada bâillonne ses scientifiques, ses politiciens, ses journalistes, même ses artistes. Le pouvoir et l'information se centralisent, la censure est omniprésente. Autant dire qu'on a fait le contraire que de travailler la motivation de mes concitoyens envers un projet de société. Face au cynisme, à l'impuissance et à la corruption généralisée, que pouvons-nous faire? La réputation du Canada comme pays soucieux de l'environnement et où il fait bon vivre pour tous est-elle entachée pour toujours? Est-il encore possible de réaliser le changement de paradigme drastique et indispensable résultat de notre mode de vie mettant le profit au centre de tout succès? Je vous le dis, la solution est évidente. Justin Trudeau. Jeune, fougueux, beau, il pense à tous et même aux extraterrestres. Immunisé aux escaliers, il est capable de voler et de faire se multiplier les calendriers. Les gens me disent « T'es correct, Tom » ou « T'es pas un escroc, Tom ». Mais force m'est d'admettre que je ne fais vraiment pas le poids. Et si je veux que le Canada redevienne le grand pays qu'il a été, je dois faire ma part, si petite soit-elle. Oui, je suis Tommy, Tom Godette, du Parti Rhinocéros, et le 19 octobre qui vient, je divise le vote pour Justin Trudeau. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Vous souvenez-vous de l'époque glorieuse de douteux.tv? Moi, je m'en souviens. Les murs sont encore verts chez nous. Oui, mais il y a quelqu'un qui vit dans cette chambre-là maintenant. Oui. Ouais. Voilà. Oui, oui, on salue tous les cacastéens de ce monde. Voilà. On est de retour avec une suite de la chronique Tinder d'hier. Ouais, oui, oui. Love me Tinder. Love me Tinder. Oui, on a décidé que ça s'appelait comme Love ça tantôt dans le parking. J'étais moyennement d'accord, mais je leur ai donné. Écoute, on va retourner voir Mélanie, que j'ai donné son nom hier, puis que finalement on est pogné avec. Donc voilà, on va continuer. Mélanie, qui, je vous rappelle, habite Val-d'Or. Donc déjà on l'aime pas tant que ça. Tu magasines de pas sortir d'ici. Hein? Parlait. Non, le monde de Rouen, il aime pas le monde de Val-d'Or. Arrête, là. Faut que tu apprennes des choses, toi, là. Ben oui. Voilà. C'est tellement proche qu'il faut pas les aimer. Ben genre. Oui, voilà. Grosse rivalité. Les villes sœurs, hein. Ben oui. Elle vit à Val-d'Or et donc je lui parle du désastre environnemental et du marasme dans lequel elle vit. Sur ce, elle me répond que elle se contente de drogue douce, de sexe, d'alcool et de rock'n'roll. Wow. Voilà. Donc je reviens en disant la classique ménagère donc, puis t'es pas encore mariée. Ce sur quoi elle me répond: je suis une femme moderne, donc divorcée. Clin d'œil. Elle utilise beaucoup le clin d'œil d'ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, je lui dis, donc, pas si bonne ménagère, j'imagine. Donc, et j'ajoute, je sais pas si c'est la modernité ou le fait que tu sois divorcé qui me fait dire ça, mais une chose est sûre, c'est dans une optique masculine et paternaliste que j'affirme ça. Ah, ça, c'est vraiment... Hey, mais là, tu cours vraiment après le trouble. Tu trouves? Puis elle a continué de vraiment se carrer. Elle me répond en me disant, ne t'en fais pas, je n'ai jamais eu comme objectif d'être une ménagère exemplaire, n'en déplaise à la société machiste et patriarcale dans laquelle nous vivons, clin d'œil. Et... Sur ce, je lui réponds, je ne veux pas parler pour la, je ne peux pas parler pour la société, mais je crois que ça lui déplaît. Fais-tu des clins d'œil, toi? Et j'ajoute, non, moi je fais pas de clins d'œil. Okay. Et j'ajoute, t'es un petit peu trop libéré, je trouve. Es-tu certaine que c'est pour toi la liberté? Es-tu abonné à Marie-Claire? Tu sais, c'est pas si facile. Et elle me répond, ha ha ha. J'évite les magazines de madame, entre guillemets. Ils ne font que donner des trucs mode et beauté pour plaire aux hommes ou des articles qui expliquent comment satisfaire son mec au lit, le tout sous des airs faussement féministes. Et là, c'est pas un clin d'œil, c'est un petit bonhomme qui sort la langue. Oh! Comme ça. Wow, on sait pas trop ce qu'il veut dire, lui. Et donc, c'est une autre forme de complicité. OK. Ouais. Plus profonde. Dégoûtant. Il sort la langue. Et là, je lui ai pas répondu encore, mais elle ajoute, je préfère me garder mes aisselles non épilées, porter des bottes à cap et boire de la bière en regardant un match de hockey. Donc là, c'est fini, on peut s'entendre. C'est un peu turn on, ce qu'elle vient de dire. Moi, j'étais jusqu'au match de hockey, moi, j'étais dedans. Ouais. Ouais, ben, je suis sûr que, mettons... Mais attends. Elle dit, ça, c'est la vraie égalité homme-femme, et elle ajoute, petit bonhomme qui sort la langue. Qui sort la langue. Donc... Fait que ça, c'est ton premier. Pour moi, on va faire ça en deux parties aujourd'hui. J'ai l'impression que tu as eu une très grosse journée. J'ai eu une très grosse journée aujourd'hui. Je suis déjà surprise, en fait. Je pensais pas que les conversations allaient si loin. Mais attendez. Ah, oui. Non, mais là, il est en quête de vérité. Je suis en quête de vérité, je suis en quête. Ouais, et un peu d'amour. Moi, je suis très intrigué parce qu'il semble que tu aurais eu aussi des garçons. Ah oui, plus qu'un. Oh! Oui, en vas-y, deux, fais-en un autre. On va en faire quatre au total. Je vais aller voir un garçon tout de suite. Alors, Monsieur J, qui commence hier soir à 22h01 avec Bon FME. Bon FME! Mais là, il a rajouté 3 E. Donc, je lui réponds « Salut, Festival de la musique émergente, ésotérique, élitiste. » Cette année, j'ai décidé que je boycottais tous les événements du FME pour me concentrer sur les activités de l'Ordre Royal des Mousses. Oh. Donc, il ajoute « Haha, une bonne chose ça ». Et je lui réponds « Crème, oui, la quille de Laurentide est moins chère que la petite canette de Boréal. Et les décorations sont sobres et de bon goût. Faut voir le luminaire avec un enfant qui prie au plafond. C'est la plus belle chose que tu vas voir à Rouen, ce qui n'est pas peu dire. » Hey, wow. C'est ça, c'est vrai. C'est de la poésie, ça. Le luminaire du local des Mousses, j'ai demandé de l'acheter, puis on dit, ben non, ça fait notre renommée. Oui. Et c'est vraiment un enfant qui essaie de toute beauté. J'ajoute que avant qu'il ne l'apprenne de quelqu'un d'autre, j'ai pas aimé Boyhood. Et là, il répond qu'il a la même opinion que moi, alors je lui dis, on est deux contre tous. Non, je suis avec vous autres. Il y a même du monde qui m'ont dit de le regarder une autre fois pour être certain. Ce à quoi j'ai répondu, oui, le film de 3 heures qui filme que 8 heures avec aucune ligne de causalité, puis des lignes narratives inintéressantes avec des personnages sous-développés et insupportables. Pars-moi pas sur Boyhood. Mais tu sais, ça a pris 12 ans. Et là, il me dit, je vais t'aider à mettre fin à tes supplices. Et je lui demande, tu vas effacer Boyhood de l'existence? Ça serait vraiment apprécié. Colin, vous scorez, c'est vraiment comme un match-up de 96%. Voilà. Il me dit, et là, c'est là que ça s'en vient dangereux. Il me dit, on se voit ce soir, on va mettre notre plan en action. Oh! Y a-t-il des et je lui réponds, non. Moi, je peux pas effacer quelque chose de l'existence à soir. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai perdu tous mes pouvoirs de translation. En plus, je suis bien trop occupé avec les mousses pour faire de la métaphysique. Je comprends. On sent que t'as vraiment rentré à la base là-dessus. Voilà. Mission de reconnaissance est faite. Et ça, voilà. Ben merci beaucoup, Bruno. Tu vas revenir plus tard dans l'émission. Ah, certainement. Tes deux premiers pour ce soir. On va avoir une petite pause musicale. Ensuite, on va aller avec Élise qui va nous présenter. On va parler un petit peu plus avec nos invités spéciales qui sont venus de la Montréal. Ça va, Marianne, tu gardes le moral? Yeah! C'est bon. Hey, vous allez voir la pub, on l'adore. Ça vient de Montréal, mais ça prouve que c'est pas parce que c'est fait en région que c'est weird. Ils en font en région qui n'en sont pas. En tout cas, écoutez ça. Ils en font à Montréal. En grignon, grignon, en grignon, en grignon, en grignon. Venez chanter Noël au Carrefour en Grignon. Avec ses 200 boutiques, vous trouverez une multitude d'idées cadeaux pour faire plaisir à toute la famille. Prenez l'autoroute 20, sortie en Grignon, ou le métro en Grignon, Grignon, Grignon, Grignon. Hey, c'est une vraie pub. On écoute Magie Plante Morte. C'est juste du bon moment, on revient en studio. Oh yeah. That's what they do every day. They throw away dead plants. Salut Gummy Toadette. Comment ça se passe? Ah, ça va super bien. Ben oui, hein. On vient d'avoir Carlistiane en plus ben qui vient d'arriver. Très content. Super cool. Salut Carlistiane. Carlistiane, Nicolas Trudel, toujours fidèle au poste. Carlistiane que j'ai matché sur Tinder, qui se fera partie de la deuxième partie de ma chronique tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà, wow, ben oui, ça, c'est elle va faire partie du show à sa manière. Awesome. Fait que let's go, de quoi tu nous parles? Ben, dans le fond, moi je suis là parce que ça me tentait de vous conter une belle petite anecdote, un beau petit mythe abitibien. En fait, nous c'est la tradition abitibienne des douteux. À chaque pèlerinage, depuis l'an passé en fait, mais sûrement depuis bien avant que ça, une tradition. Moi je l'ai vécu seulement l'an passé. On n'a pas le choix, c'est impossible de passer outre le refuge du vieux Léo. Ceux qui connaissent pas le vieux Léo, c'est un vieux monsieur, un vieux tenancier de dépanneur, un petit peu creep qui habite dans le coin. Il est vraiment, vraiment creepy quand même. Là, on a su dernièrement qu'il est en train de passer en prison parce qu'il a encore tiré sur quelqu'un. Attention, attention, il y a un procès du fait qu'il a tiré quelqu'un dans le dos. Voilà. C'est ça. Merci de me corriger, Tony. Oui, ben on lui souhaite le mieux possible. Ce qui est sûr, c'est que pour une 80aine de piastres, t'es mieux de tirer dans personne. Oui, en effet. Puis en fait, t'es mieux de tirer dans personne pour X. Ouais. En tout cas, mais ça, c'est moi. Mais cet homme mythique-là, là, c'est qu'est-ce qui est magique? C'est qu'il façonne à la main ses propres mops, puis ses propres mopettes à vaisselle. Puis pour vrai, c'est fou comme c'est durable. Je sais pas en quoi qu'il est mais fait. J'ai la même depuis l'année passée, le FME de l'année passée. Puis s'il s'en va en prison, le monde va perdre ça, là. C'est vrai. C'est vrai, Bruno. Pourquoi enlever ça au monde? Oui, le monde mérite ça. Moi, je vous conseille Ça se fait en prison, ça. Non? Il y a de la corde. Je suis pas sûr qu'ils donnent de la corde en prison. Ah, ben, si c'est pour le bien de l'humanité, ils vont t'aider. Ah, si t'es supervisé, peut-être. Exactement. Mais sinon? Moi, je vous dis, entrez à vos risques et périls. On sait vraiment jamais si vous allez sortir vivant de là. Puis aussi... une petite primeur, si jamais vous n'étiez pas au courant. Il existe aussi un DVD sur ses péripéties qui est disponible pas mal uniquement dans l'antre de la bête. Eh ben, dis-toi. Oui. Moi, j'ai un petit peu peur. Ouais, c'est un documentaire régional. C'est comme un peu comme Normand Lamour, en fait. Non. Un petit peu différent. C'est parce que Normand Lamour, il t'amène de l'amour et il est sympathique. Okay. Un Normand Lamour de la serpillière. Ouais. Mais... Il fait peur par sa bonne humeur, Normand Lamour. L'autre, il fait peur... Cool. Fait peur, ouais. Par son arme à feu. Entre autres. Sinon, ben, parle-nous de nos invités un petit peu. Oui, ben, en fait, moi, en plus d'être booker pour Douteux, je suis aussi pour Les Deux Folles et Un Banjo. Yeah! Oui, je les adore, ces deux belles filles-là. Puis, je voulais vous dire, en fait, ne les manquez surtout pas. Ils vont être là à chaque jour sur le site et... dans le stationnement et dans la ruelle à l'arrière. Je vous garantis, ils se téléportent partout. C'est vraiment cool. Là. C'est un show débile. Mais pour vrai, c'est des filles super énergétiques. Allez les voir, allez les encourager en leur achetant un CD, en les écoutant. Puis vous allez être émerveillés. Vous allez vous émerveiller, en fait, les tympans avec cette belle magie auditive. On va le dire sur les ondes. Vous avez un site internet. On peut vous suivre sur... Absolument. On peut nous suivre sur deuxfolles.com. D'ailleurs, Tommy, tu le sais, on a lancé notre dernier vidéoclip chez vous, à Douteux. Oui, effectivement. Oui. On était très contents. C'était un furet, un panet. Un très, très beau gilet. Un très, très beau gilet. Oh oui, c'est moi qui l'ai fait, le gilet. Le gilet, c'est René qui l'a fait. Très content de savoir que c'est du fait maison. Sinon, ben aussi très content de vous avoir pour votre premier comme off du FME. Eh oui, Tommy, on est les Vierges à 70%. Voilà. Et voilà. C'est pour votre première fois à 70%. Ah ben, je sais, à Rouen. Et oui, ça c'est vrai par contre. Ouais, on vous amène vers les grandes ligues tremplin sinusaux. On commence par le stationnement. Demain, le monde! Exactement. Wow! Fait que, là, on est en train de tout micer ça. Ici, avec la petite console, moi, je me dis, vous allez jouer deux chansons. Ben ouais, on peut faire ça. Puis après ça, on va mettre une petite pause publicitaire qui est à notre goût et ensuite, vous allez en jouer une autre. On commence-tu par la nouvelle, René, ou on commence par celle qui est sur notre premier album? La nouvelle. La nouvelle! Genre genre de primeur, là. Une primeur! On pourrait s'appeler comme ça. Quoi qu'on l'a peut-être joué dans le parking tantôt. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ce prestigieux endroit. C'est assez fou parce que la personne a juste entendu cette tune-là, elle nous a acheté un album. Oh. Mais tu l'as pas menacé par hasard, hein, René? Celle-là, non? Non, tu me connais. OK, non, quand même. Donc, oui. Alors, on y va! 3, 4... Le sleeping et le banjo sont pactés. Les petits sandwichs, pas de croûte dans la glacière, ont décongelé. Entre la canicule et la neige à radio, le plaisir subtil de Condoleez Roadkill. 1, 2, 3, 4 cases de chat, 4, 5, 6, toi j'ai pas vu de chien, ça c'est marmotte mort. Et la liste s'allonge, en route vers Fort-Coulonge. J'ai vu un tout petit lapin sauter vers son destin. Des corbeaux s'amuser avec les intestins. Une marmotte morte, les intestins lapins. Et la liste s'allonge, en route vers Fort-Coulonge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, mais j'ai pas vu de chien saucisse. Une marmotte morte, des intestins lapins. Et la liste s'allonge, en route vers Fort-Coulonge. Dans une boîte noire et blanche qui ne laisse personne confondu. Une moufette ne pura plus là où elle est rendue. La pura plus. Où est-ce qu'elle est rendue? Où est-ce qu'elle est rendue? La pura plus. La pura plus. Où est-ce qu'elle est rendue? Des chameuses de ramasser ces délicieux trésors. Une famille de canards s'engouffre sous les chars. Une femme mort, des intestins lapins. La vie toi qui ne pura plus. Et la liste s'allonge, en route vers vos coulonges. De rentabiliser les trajets de tournée. Traîner sa spatule est bien loin d'être ridicule. S'ouvrir un casse-croûte, de cadavres d'autoroute. Oh yeah! Chez saucisse, une marmotte en papillote, du boudin de lapin, une moufette en galette, un tartare de calore. On s'ouvre un casse-croûte, on s'ouvre un casse-croûte, on s'ouvre un casse-croûte de cadavre d'autoroute. Ça donne chaud! Hey, de toute beauté, mesdames, vraiment. Let's go, on part sur une autre. D'ailleurs, on tient à remarquer quelque chose, puis on tient à souligner que en s'en allant vers Rouyn-Noranda, il n'y en a quasiment pas de roadkill. C'est vrai. C'est vrai, vous êtes comme propre de roadkill, Rouyn-Noranda, c'est merveilleux. On les cherchait. Pas qu'on a une joie d'eux, mais t'sais, en tout cas, vous êtes propre de vos roadkill. Voilà. Mais une autre chanson sur les choses aplaties. Hein? Absolument, on y va. Mais n'inclut pas de jambon. Semaine internationale. Du grilled cheese, semaine internationale. Du grilled cheese. Après avoir fixé avec ennui le frigidaire, les fruits moisis célèbrent le premier anniversaire. Quand y'a des coups dans ce froid lézard, que ta moutarde est suicidaire. Quand pour passer la frustration, on est tête des poupons. Vraiment? Semaine internationale. Du grilled cheese, semaine internationale. Du grilled cheese. Quand ton dentiste te regarde, et tu sais que t'es dans la marde. Check la face! À travers le plancher, de te rendre compte que le sous-sol est habité. Colmate la brèche avec du fromage. Tu restes roi et maître de ton buccal paysage. Tant qu'il te restera une motte de beurre pour 33 sous de pur bonheur. Qui m'emballeront avec des navets. Vous vous rappellerez que deux fois le vétérinaire. N'importe quoi. Semaine internationale. Spill cheese, De toute beauté, une petite page de publicité, puis on revient avec les deux folles en studio. Vous êtes à 70% sur les ondes de CFME 91.9. Wow, bravo les filles. Oh yeah! On applaudit. Oh yeah! Oh yeah! slur, ça fait peur. Un charger, blaster, blower, galipeur, deux portes, deux minutes dans le toaster. 2008! Écoute, bon an mal an, plus du cinquième de la population terrestre en est victime chaque année. Ça m'est arrivé. À moi aussi. Trois fois cette année. Pourtant, ce prédateur vicieux sévit en plein jour, en pleine ville, en pleine foule. Ça nous est arrivé. Pour proliférer, ce mal universel utilise la plus insidieuse des armes, l'indifférence. En ce mois de marche, aidez-nous à combattre les chutes dans les escaliers. Rappelez à ceux que vous aimez et aux autres que faire attention dans les escaliers, ça marche! C'est tellement vrai, on rappelle à tout le monde à faire attention dans les escaliers, ça marche. L'escalier, c'est le concept qui a causé le plus de souffrance à l'humanité depuis que ça existe, plus que la guerre, plus que quoi que ce soit à ramasser ensemble. Faites attention aux escaliers. Ça nous ramène encore à, avec René et Marianne, les deux folles et un banjo. On est très content de vous avoir avec nous. C'est quoi les deux chansons qu'on a eu droit juste avant la pause? Oui, ben en fait, la première chanson qu'on a interprétée, c'est de notre futur album. Parce qu'on en a déjà un qui est en vente, qu'on peut trouver sur Internet, sur deuxfolles.com, mais il y en a un autre qui est en train de se dessiner. Ça, j'aime ça. La motivation reste optimale, c'est parfait. Et puis l'autre, ben, la semaine internationale du grilled cheese, est-ce que c'est inspiré d'un vrai événement, d'une anecdote? Mais en fait, il y a déjà... Fromage fondu? Ben, il y a déjà le mois du grilled cheese. La journée du grilled cheese. Mais il n'y avait pas la semaine du grilled cheese. Attends, on recommence au début. Il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'année. Il y a le mois du grilled cheese. Avril. Le mois d'avril. Oui. Okay. Et la journée internationale du grilled cheese, Tommy, c'est le 14 avril. Dans le milieu du mois d'avril. Exact. On a lancé notre album dans le mois d'avril, justement, pour cette pendant occasion. La semaine du grilled cheese. Sacrément. Ce qui montre notre passion pour cet aliment. Et puis là, ben, comme je mentionnais à notre cher Bruno tantôt, présentement, autour de la Terre, à la vitesse de la lumière, il y a une bulle qui grandit. Et dans cette bulle, il y a... Non, garde-le, parce qu'on va repartir avec... Puis en plus, il est en train d'inventer ça, il ne me parlait pas du tout de ça. Ben oui, certain, je te parlais de ça. Il y a une bulle des deux folles qui grandit à la vitesse de la lumière. Ça, je trouve ça beau. Là. Même si la Terre explose, vos shows vont être saufs. Et ben, en tout cas, au moins 2 tonnes. On lâche pas, on continue. Présentez-nous la prochaine, puis laissez-vous aller. Oh yeah, la prochaine. René, comment on la présente? Comment on la présente? Ben, c'est hot dog. Hein? C'est ça. Savais-tu, y a de la poudre de sabot, pis des museaux de vache meux dans ton hot dog. Savais-tu, peut-être un cadavre de chat. Eux autres, ils gaspillent pas, c'est si beau. Sont mis à les multiplier, les mettre en canne pour pas qu'ils puissent se sauver. Mais Le déluge n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette bouffe-là? On les broie, on les propose dans les beaux hot dogs de rose. Dans ton hot dog, savais-tu, il y a des hormones en trop. Et ça donne des petits gros. Dans ton hot dog, sur le dessus, un arc-en-ciel de couleurs. Moutarde léchée, bonheur. On apprend ici que le bonheur est un condiment. Ah, vraiment, bravo, c'est de toute beauté. J'ai très hâte d'entendre le deuxième album. On rappelle, vous êtes sur Facebook aussi, Deux Folles et un Banjo. Faites un peu de recherche, ça vaut la peine. Google est ton ami, Google est ton ami, Google est ton ami. Et voilà. Sinon, ben, ça nous ramène en studio. Jean-Patrick, tu vas présenter la prochaine chanson qui va jouer. Joël Martel, en fait, non, tu vas présenter ton extrait tout de suite, c'est-tu faisable? Attends un peu, je vais mettre ton, c'est intro. C'est ce que j'allais te suggérer quand même. Pourquoi tu me laisses pas présenter la chanson? Hey, Tommy. Pour faire la... Parce qu'on va manquer de temps. Je sais comment ça marche, je sais que ça. La 5 à 7 Et voilà, dans les règles. C'est Madame Glaïeul! Mais c'était pour ça que je voulais que ça joue, tu sais. J'ai encore un petit peu d'heure. Voilà, aujourd'hui, comme je vous disais hier, je vais vous parler un petit peu de Camille Samson. Je vais résumer puisque je me fais dire que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, Camille Samson est né en 1935, il est mort en 2012. Puis, ben, il a fondé le Parti créditiste en 70, il a été élu. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. Mais hey, on s'entend que tu peux prendre un petit 10 minutes facile. Là, ouais. Incluant ta toune. Okay, okay. Incluant ton extrait. Bon. Ben, grosso modo, il faut savoir qu'est-ce que c'est le créditisme. C'est une espèce de... Comment dirais-je? De bonne pensée que les rhinocéros, sincèrement, le parti rhinocéros, on pourrait partager certaines... conclusion de ces gens-là, pas tous, bien entendu, mais c'est basé sur le fait que, je vais vous lire, tiens, c'est encore mieux. Le crédit social est une idéologie économique et un mouvement social qui est apparu au début des années 1920. Alors, déjà, on comprend quel genre de truc c'est. Et c'est parce que ils nous disent que le crédit, lorsqu'il est remboursé, l'argent n'est plus là, puis ça ne fonctionne plus. Je résume très vite. Là. OK. Alors, les dettes, les gens, pour que ça fonctionne, ce système-là, les gens doivent s'endetter en achetant un crédit. Les gouvernements doivent emprunter et augmenter la dette nationale. Écoute, y avait-tu compris quelque chose? Les entreprises empruntent aux banques pour financer leurs extensions leurs expansions de façon à créer de la nouvelle monnaie. Bref, il avait quand même compris des choses. Bon, par contre, sa solution est un petit peu amusante. Il voulait c'était trois points. Donc, un bureau de crédit social devait être... instauré, et il calculait sur une base statistique le nombre de crédits qui doit circuler dans l'économie. Un mécanisme d'ajustement de prix qui reflète le vrai coût de la production doit être mis en rapport avec tout ça. Puis, il y aurait un dividende national qui donne un revenu de base garanti à tous sans tenir compte du fait qu'ils aient ou non un emploi. Oh! C'est quand ça, même c'est assez progressiste beaucoup. Ça, oui, c'est quasiment communiste. Et bref, évidemment, avec des idées comme ça, tu t'attends à quelqu'un de petit peu plus ouvert, mais bon, pas tout à fait. Alors, l'extrait qu'on va voir, c'est qu'il est très choqué contre Radio-Canada. Radio-Canada, c'est quoi les cochonneries de Radio-Canada? Je vais laisser Camille Samson le dire. D'ailleurs, ça a passé dans un clip de Louis-José Houd. C'est pour ça qu'on l'entend au début quand j'ai transféré en MP3. Et voilà. Voilà. Ici Louis-José Houd. Cochonnerie de Radio-Canada, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est qu'on permet un débat entre le chef du Parti libéral et le chef du Parti québécois, puis on met les trois autres partis de côté pour les obliger à se battre entre eux autres. C'est ça la cochonnerie de Radio-Canada. OK, c'est ça, la cochonnerie de Radio-Canada. Ben, c'est vrai fait que c'est pas cool. On peut pas débattre sur des idées parce que c'est pas cool. Ben, c'est surtout parce qu'ils ont choisi qu'il y avait, genre, dans le fond, une dichotomie, hein, un ou l'autre, là, du McKinkisme. Et les autres devaient, tous les autres partis devaient se battre entre eux pour avoir de l'attention. Hey, c'est beau, on se croirait. Mais on s'entend que c'est comme le débat à la TV. Ouais, ben c'est ouais. Ça. Puis ben, ça me fait rire parce que maintenant, là, t'as Harper qui veut même pas participer à des débats, tout ça. C'est ce qui est assez ça amusant. Ça me fait perdre mon temps. Oui. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que c'est déjà arrivé dans l'histoire du Parti Rhinocéros, ça, qu'il y a eu un moment dans une élection où Joe Clark, je crois, avait désiré ne pas faire partie d'un débat. Donc, il n'y avait pas eu de débat, ils ne s'étaient pas entendus ensemble. Et nous, le Parti Rhinocéros, avec du temps de publicité gratuit, on avait effectivement décidé d'offrir aux citoyens canadiens le débat des chefs. C'était des marionnettes qui s'engueulaient tous et qui se couraient un après l'autre. Et voilà, c'est ce que vous avez manqué, finissait la publicité. Je fais un lien avec la publicité parce que ce que vous avez entendu en début d'émission, c'est ce qui s'en vient. C'est quelque chose d'assez fantastique. À chaque élection, les grands postes nous offrent du temps gratuit. Cette année, on a 9 minutes en tout, donc 4 minutes en français, 5 minutes en français, pardon, 4 minutes en anglais. Et justement, Tommy a préparé une publicité en anglais et une publicité en français pour le Parti Rhinocéros. Elle va être diffusée à Radio-Canada, elle va être diffusée à CBC. Et bref, vous l'avez entendu, mais l'avoir est encore plus intéressant. On est, d'ailleurs, pour finir sur ce point-là, directement dans ce type de conflit, interne, là, à savoir comment on va faire pour réussir à remettre les clips, parce que à chaque fois, on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on est trop créatif. Et là, cette année, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui nous oblige à avoir des sous-titres. Et je vous annonce en primeur, tout le monde, parce que Tommy a envoyé une question. Moi, j'ai eu le temps de lire la réponse sur Internet. Tu ne l'as pas lu encore. Alors oui, c'est abordable. Ça va nous coûter à peu près 120$ et on va pouvoir faire diffuser ça. Alors, je vous confirme tous, mesdames et messieurs, que nous allons voir cette publicité. Fait que là, je suis en train d'apprendre que je suis mieux de dire à mes techniciens qui sont en train de monter le film qu'ils ont pu agosser sur les sous-titres. S'ils veulent agosser, ça va nous économiser, par contre. Ouais, ben, mais on réglera ça. Ah, ça serait une bonne idée, effectivement. C'est ça que j'allais vous proposer. Ben oui, si Bruno veut parler de Tinder. Là. Ah, ben oui, Tinder. Non, mais merci beaucoup, Jean-Patrick. Ben, ça me fait plaisir. Ceci dit, je reviens à la charge avec ce que j'expliquais hier. On cherche un candidat. J'ai une excellente nouvelle. On n'a pas besoin de 100 signatures. On en a besoin de seulement 50. Alors moi, je m'offre pour trouver une signature avec la personne qui vient nous voir ici, qui dit « je veux être candidat ». On a deux jours encore. On exactement. Ça va être une sortie de famille avec Sylvain Noël demain. Là, oui, c'est la meilleure façon. Mais pour vrai, moi aussi, ça va être 50 signatures seulement? Non, toi, c'est Outremont. C'est Papineau. Ah, okay, laisse faire d'abord. Fait que là, on écoute Joël Martel. Oui, Joël Martel, qui est un blogueur que vous connaissez sans doute, a fait une chanson et a surtout fait partie de plusieurs groupes. Des groupes assez spéciaux. Donc ça, je pense, c'était quand il était le groupe Joe Boca, Repartir à zéro 2.0. Et ça s'appelle FME. Et je vous dis, écoutez vraiment jusqu'à la fin, parce que la dernière strophe donne tout un sens à tout ce qu'on vient d'entendre. Je vous le dis, écoutez-le jusqu'à la fin. Et voilà, c'est dit. Merci Jean-Patrick. On est à 70%. C'est FME 91.9. C'est le FME. FME. Reste pas tout seul chez vous. Je fume des tables en revenant de Rouyn-Noranda. J't'allais donner un show au FME. Do. aller au centre-ville. Y'a personne qui savait j'étais qui. J'ai fini la soirée chez Maurras, en tête à tête avec une grosse poutine. J'avais gardé ma force autour du cou. Y'a une fille qui arrêtait pour de me regarder. J'peux dire qu'y'a une fille à Rouyn-Noranda qui est sûre qu'y'a couché avec le drummer de Carquois. J'ai failli partir à rire. Femme 2000, femme 2000, femme 2000, non c'est pas assez. Salut Tommy. Salut Sarah. Ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu. Ouais, ben oui, ben oui. Content de te revoir à 70%. Ben oui, moi aussi, je suis très contente. Et en fait, ben c'est ça, sur le chemin hier, je me demandais de quoi j'allais parler, surtout qu'elle allait être le nom de ma chronique, fait que j'hésitais entre Tommy, fais-moi un Rouyn ou chérie, dessine-moi un Noranda. Puis finalement, à part... poser des questions sur qu'est-ce qui est le plus poil, un métalleux ou c'était quoi donc? Quand, je pense que tu te mélanges là, mais oui. Oui. On parlait de poêle. Ah oui, on a parlé de poêle. Je demandais qu'est-ce que c'était quoi les genres de poêle. Tu m'as demandé, c'est ça. Tu m'as demandé si Sol de Louis c'était poêle, ce à quoi j'ai répondu c'est vrai, oui. Ouais, c'est ça. Ben oui. Oui, voilà, on est tous d'accord que Sol de Louis c'est poêle. J'ai fini par comprendre, puis. Fait que. Dans tous les cas, finalement, je vais pas parler de poids, je vais pas parler de rien de tout ça, je vais rien batcher, je vais parler de ce que je fais ici, parce que c'est ça, je pense que c'est important. Je fais les photos pour Bible Urbaine pendant les 4 jours de festival, et en fait, je prends en photo les femmes du FME. Donc c'est toutes les madames de n'importe qui participent à cet événement-là. Cet après-midi, j'ai eu la... Mais ça prend des ovaires. Ça prend un vagin. Ouais. Ça prend un vagin. Okay. Hey, René, c'est pas pire. Je viens d'apprendre qu'on a un vagin tous les deux. Yeah! Je pense pas que tu viens d'apprendre ça. Moi. Non, mais publiquement. On me dit dans mon oreillette. Ouais, c'est ça, on me dit dans toi. Et non, ben c'est quand même un drôle de projet un petit peu. Ça. Pourquoi focusser sur les femmes? Ben parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, ce genre d'événement-là, musical, c'est quand même un milieu, beaucoup de garçons, mais il y a quand même énormément de filles qui travaillent. Mais tu sais que tous ces gars-là jouent de la musique pour se faire des filles. Oui, c'est bon. Et il y a quand même énormément de... Pas de, seulement de jeunes femmes, il y a aussi des madames qui sont impliquées, qui sont bénévoles depuis ben le oui. début. Ben oui, okay. Qui transportent les artistes à 1h du matin, qui font à manger, que je pense qu'ils méritent qu'on des parle gens qui de, nous de endurent, elles. Qui nous ah endurent. Oui, absolument. Ah oui. Merci, mesdames. Et j'ai eu la grande chance cet après-midi de rencontrer la merveilleuse Suzanne Blais, qui est la directrice de l'école de musique. On a passé un super bon moment. En salle mineure, celle d'à côté? Oui. Aïe, je me suis rendu compte du jeu de mots juste après être déménagé de Rouyn. En sol mineur. En sol mineur. Mineur dans le sens. En tout cas, oui. Et donc, ben, en fait. Vous n'êtes pas plus intelligent que moi parce que vous l'avez capté tout de suite. Et ben, en fait, c'est ça, c'est un appel simple de madame, des filles, des femmes qui font partie de ce super festival. Je vous tire le portrait, puis je ferai un beau florilège de ça. D'ailleurs, toutes les madames de la petite carte, c'est Guyane, Geneviève, Sonia, Rebecca, Lara, Magali, Jenny, puis plein d'autres. Rosalie, elle se tient là, j'aurais pu l'appeler hier, j'ai bu tout son coke. Moi, j'aime bien Comfort Inn, Mistral, puis Quality Inn, ceux-là sont vraiment... Mais dans le fond, toi, tu vas être là encore pour les deux prochains soirs. Oui, je suis encore là. Et si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous faire prendre en photo et que vous participez au FME, venez à 70% demain. Ou alors que vous voulez venir parler de ce que vous faites au FME à 70%, parce que moi, je vais même me profiter. Vous ferez la file, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. On espère qu'il y en a beaucoup. Là. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Hey, ça nous amène vers la fin de l'émission tranquillement. Il reste un bloc de Bruno qui va nous parler de Tinder un petit peu, de Love Me Tinder. Sinon, ben, juste avant ça, parce qu'on a accès aux ondes hertziennes et que je suis en train d'envoyer dans l'espace, je vais mettre une de mes tunes préférées. Ça va déplaire à plusieurs. Il y en a plusieurs qui vont pogner ça à la radio. Ils vont se dire, voyons, qui c'est ça, Chris? Mais nous autres, à 70%, à douteux.org, on aime beaucoup ça. Moi particulièrement, une de mes tunes préférées de tous les temps, c'est Elecman de Mega Man 1. On est à 70%. Wow. On a mis également le thème de Fireman qui était très difficile. Ça prenait vraiment Iceman pour le battre, lui. Ouais. Bruno, Love Me Tinder. Oui, alors je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il nous reste pas beaucoup de minutes. Alors, comme je disais, j'ai eu Calistiane tout à l'heure que j'ai matché sur Tinder. Alors, je dis yo, Calistiane, as-tu un profil Tinder juste pour que je parle de toi dans ma chronique? Et elle me répond, j'ai un profil Tinder pour fourrer. C'est pas facile en Abitibi rencontrer. Effectivement, on a parlé des cousins hier. honnêtement, je vais très rarement et c'est grâce ou plutôt ou grâce entre guillemets ou plutôt entre guillemets à cause de ta chronique. Je suis allé aujourd'hui et là, petit bonhomme avec la langue qui sort. Elle ajoute aussi. Shit, j'ai mis les guillemets sur le mauvais mot. Elle l'a mis sur plutôt au lieu de le mettre sur à cause, bien sûr. Et là, je dis, parfait, déjà, on va parler de ça ce soir. C'est clair que je vais l'empirer sur les ondes en disant que t'as mis les guillemets sur chronique et que je l'ai vraiment mal pris. Christ que je t'haïs, Calestiane. Ma chronique est une vraie chronique et je prends du temps et de l'énergie pour la préparer. Comment oses-tu mettre le mot entre guillemets? Et je vais terminer ici avec une ratée que j'ai eue parce que là, il faut qu'on fasse ça vite. Alors, il faut que j'aille chercher ça dans mes screenshots parce que elle est disparue. Elle m'a effacé sur Tinder. Oh alors, non! Je l'ai mis sur dans le dossier raté. Oh! D'accord. Alors, c'est Madame T qui me dit bonsoir. Alors, je lui réponds non, toi, bonsoir. Oh, entrepreneur. Oh. Alors, j'avais lu sa description et je dis, je vois dans ta description que tu aimes bouger. Moi, je suis plutôt du type immobile. Est-ce que tu penses que ce serait un problème? Et là, par immobile, je veux pas dire au sens. Je dis par immobile, je veux pas dire au sens figuré. Je parle vraiment d'arrêter d'être en mouvance pendant plusieurs heures sans parler, les yeux fermés, à penser à rien et à arrêter mon cœur de battre. On peut. Et là, elle disait aussi qu'elle aimait être dans le bois. Alors, je lui dis, on peut faire ça dans le bois si tu veux. Je suis en train de préparer notre première activité, si tu ne l'avais pas remarqué. Et sur ce, elle m'a unliké. Oh, wow! Voilà. Ah, t'étais trop entrepreneur. J'étais trop entrepreneur. J'avais déjà commencé à préparer moi, une activité. Moi, j'aurais pensé que t'aurais dit pourtant, moi, j'aime la forêt. L'autre de dire ouais, moi, j'aime mieux, je suis dans le champ. Tout en enchant. Oui, ça nous amène-tu à la fin de ton Love Me Tinder? Écoute, je pourrais vous en faire une dernière. Oui, oui, un petit peu de temps. Rapidement. Alors, Madame K, que j'ai matchée, alors tout de suite, je l'envoie et je dis « Salut Madame K, je te pose ça comme question. J'ai un ami qui a mis son enfant dans la sécheuse pour le punir. Il n'a pas parti la sécheuse et le kid crie pour qu'on le laisse sortir. Juste de l'entendre crier, ça m'affecte énormément. Faut que ça cesse, mais je peux pas me mêler de l'éducation de l'enfant de mon ami. C'est lui qui sait ce qui est mieux pour lui. » Grand Dieu. La solution à laquelle j'ai pensé serait de partir la sécheuse. J'ai le doigt sur le bouton, ça me prendrait un argument vraiment béton pour que j'appuie pas dessus. Des commentaires? Alors, elle me propose, lève le son de ta musique. Elle a répondu. Oh! Oh! Voilà. Un conseil très humaniste. Un conseil très humaniste. Alors, je lui dis, crème, j'y avais pas pensé. Je teste, puis je te reviens. Donc, je reviens, puis je lui dis, j'aime bien ça, l'ambiance générale est très festive. Les cris ajoutent du piquant dans mon disque de Bing Crosby de Noël. Par contre, les voisins viennent d'appeler pour se plaindre de la musique. Puis là, c'est eux qui ont le doigt sur le bouton. Cette situation est de plus en plus compliquée. Quel imbroglio. Alors, elle me répond, reste plus qu'à acheter un nouvel électro. Il te débarrasse du vieux normalement. Ton problème serait alors résolu. Je lui réponds alors, hey, je viens d'appeler chez les marchands. Ils disent qu'ils partent avec la sécheuse, puis ils me ramènent même le kid en ragoût. Win-win. Ça s'est réglé vite, cette histoire-là. Une chance que t'étais là. Bon, juste à régler mon problème de police qui est en train de me passer les menottes. Ils sont vraiment stock-up, les forces de l'ordre à Rouyn-Noranda. Hein? Il faut finir ça là-dessus. Oui, on arrive. Okay. Merci beaucoup, Bruno. Tu reviens demain pour un autre Love Me Tinder à Rouyn-Noranda. Ça arrête pas. Pour vrai, je pense que je vais avoir fini ma chronique à soir pour le reste de la semaine. Excellent. Sinon, ben merci à Élise, merci à Sarah, merci à Jean-Patrick et surtout, merci aux deux folles et un banjo qui sont venus de Montréal avec nous aujourd'hui. Là-dessus, ben voilà, mon nom c'est Tommy, on va être de retour demain. On laisse la place aux amis de Dans ton salon avec Richard Leblanc, Sébastien Pilon, pas Antoine Denis encore, il laisse sortir chaque jour, et l'excellent Sébastien Tessier. Allez pas trop loin, c'est CFME 91.9. Mon nom c'est Tommy, vous avez écouté 70%. Peace out. CFME 91.9 FM, la radio du Festival de musique émergente. Merci à nos partenaires Caisse des Jardins de Rouyn-Noranda, Annico Eagle et la Fonderie Horn pour leur appui au festival. Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Nouvelle fréquence avec Camille Alonofer et Jérémy Litt. C'est tous les jours du FME à compter de 15h sur les ondes de CFME. Le FME tient à remercier ses partenaires gouvernementaux. La Ville de Rouyn-Noranda, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, Musique Action et Factor. La musique.